Donc moi je vais poursuivre une réflexion, mais je voulais dire que je vais le faire un peu d'une autre manière. En ce sens où, peut-être par rapport à Claude, je vais un petit peu moins parler, on va dire, du contenu même du droit qui est produit, que de la manière dont il est produit. Et de la manière dont il se construit et des acteurs qui le font, en fait. Donc, tout ça pour dire, ça, c'est pas du tout contradictoire absolument avec ce que Claude fait, même s'il y a parfois, sans doute, des visions un petit peu différentes de certaines choses, mais c'est ces deux aspects, quoi. Moi, je suis un tout petit peu moins, même si j'essaye d'y aller quand même, un peu moins sur le contenu, puisque moi, je n'ai pas fait ma thèse avec Antoine Lioncor, dont je vais parler. Ça, c'est un petit teasing pour tout à l'heure, puisque je vais un peu parler de lui. C'est une personnalité centrale, comme absolument. Donc, mon idée, c'est d'abord de revenir sur la façon dont les lois El Khomri et les ordonnances Macron, pour dire les choses rapidement, ne constituent pas une nouveauté. À mon sens, mais plutôt l'aboutissement d'une politique du travail, pour dire ça comme ça, particulière, et finalement qui date du début des années 1980, et que c'est finalement plus largement le produit final, avant le reste peut-être, d'une transformation globale de la manière de penser le droit du travail, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, comme une forme de protection des travailleurs. Donc on a une forme de basculement d'un paradigme. Alors là aussi, Claude, d'une manière fort ingénue, a utilisé le terme de révolution symbolique, donc c'est ce que je voulais faire aussi, au sens où on pourrait plutôt parler de éventuellement de contre-révolution symbolique, au sens où se diffuse d'une manière généralisée depuis trois décennies, portée par un certain nombre d'acteurs dans des espaces divers du monde social, donc se diffuse une manière différente de penser le droit du travail et la manière de réguler, de cadrer, le droit du travail et le monde du travail, et ainsi l'ensemble de la société. Et par ailleurs, c'est un discours qui, petit à petit, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, un discours qui devient un discours sans adversaire. Et ce discours, c'est celui que j'ai appelé, alors ça renvoie complètement à ce qu'on vient de dire, à un tournant entrepreneurial du droit du travail, qui date, en fait, qu'on peut dater, me semble-t-il, alors c'est peut-être là qu'il y a des discussions, qu'on peut dater au début des années 1980. Moi, je le ferai dater, mais là, ça se discute à l'après loi au rouge. S'il le faut, j'expliquerai pourquoi je vois ça comme ça, c'est-à-dire à partir de 1982-83, ce qu'on appelait aussi facilement le tournant de la rigueur, qui est aussi à peu près la période du triomphe, ou en tout cas de l'arrivée en France du néolibéralisme et de donc l'intérêt exclusif de l'entreprise aux dépens du travail et des travailleurs. Et donc à cette idée que l'entreprise est d'abord les entrepreneurs avant d'être les travailleurs. Et donc quand je parle, pour continuer un peu la réflexion, quand je parle de révolution symbolique, je veux dire plusieurs choses. D'abord, je veux dire que cette vision de contre-révolution symbolique se diffuse dans divers espaces sociaux, dans l'ensemble des espaces sociaux où se produit, où se construit le droit du travail. Et notamment ici, j'en insisterai sur deux. D'une part, le champ académique, dans le cadre de cette spécialité, de ce domaine du droit qui est le droit du travail, ce qu'on appelle les travaillistes dans les facs de droit. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, dans le champ politico-administratif, ou plutôt dans le champ... Je veux parler de la politique et de la haute administration. Hein. Je ne parle pas de l'administration du travail et des inspecteurs du travail qui en sont les représentants non plus. Et donc, en fait, se diffuse... Il y a vraiment de très nombreux exemples qui le montrent. Se diffuse une doxa, et c'est peut-être le deuxième point, une doxa qui se diffuse, et là je reprends l'analyse d'un article que, enfin, moi j'adore, qui est l'article de Boltanski et de Bourdieu sur la production de l'idéologie dominante de 76, je crois, 75, autour d'un ensemble de, donc un sens commun qui se développe autour d'un ensemble de ce qu'ils appellent des lieux communs, des commissions parlementaires, des rapports, des think tanks, des revues, des colloques, etc. Tout un ensemble de lieux où se réunissent, où se parlent, où échangent tout un ensemble de ces acteurs-là, c'est-à-dire des acteurs politico-administratifs, des hauts fonctionnaires et autres, des profs de droit, mais aussi des praticiens du droit, des avocats en particulier, et des magistrats, mais aussi éventuellement des syndicalistes, etc. Et on pourra donner l'exemple... Du dernier colloque de la revue Droit Social de 2018, qui était un exemple magnifique de cette fusion, de ce lieu commun, de cet espace de réunion de l'ensemble de ces acteurs, en disant très vite que la réunion était présidée par le conseiller social d'Emmanuel Macron. Et ensuite, il y avait tout un ensemble de professeurs de droit... divers et variés qui intervenaient, et des avocats, et quelqu'un est un ancien de la CFDT. Donc, cette révolution ou cette contre-révolution symbolique, donc, se fait par rapport à un état du moment qui pourrait être, enfin, il me semble être né dans les années 1950-60 et qui se stabilise au cœur des années 1970. Ce moment-là, ce type-là de droit du travail qui, me semble-t-il, prend, enfin, se structure, se généralise à ce moment-là et ensuite mis en danger et mis en crise ensuite, c'est un droit du travail, fait plusieurs choses. C'est d'abord un droit du travail qui est au cœur des luttes de classe, ou de la lutte des classes. Je veux dire par là que ce qui est très impressionnant dans les années 50, 60 et même 70, c'est que, y compris les libéraux, y compris ceux qui s'opposent à ce droit du travail protecteur, acceptent l'idée qu'il existe des classes sociales, et que c'est dans ce cadre-là, enfin, et c'est ce cadre-là qui est le cadre de qui est cette manière de penser la société. Deuxièmement, que effectivement, dans ces années 50, 60 et donc 70, qui en est l'acmé, on est dans un cadre, le droit du travail est un cadre protecteur, on va dire ça comme ça, pour dire les choses très vite, des salariés, avec cette idée que le droit du travail participe à amoindrir, non pas du tout à le stabiliser, mais à amoindrir le déséquilibre entre le capital et le travail. Et que c'est l'objectif. Ouais. Troisièmement, c'est un espace qui est pris à l'époque, je le dis parce que c'est important, dans une sorte de polarité. Alors là, surtout du côté des facs de droit, mais entre une logique institutionnaliste, on va dire, autour de Paul Durand et de la revue Droit Social. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Je ne l'explique pas assez bien dans mon livre, ce que c'est que cette logique institutionnaliste, et il faudrait que j'y revienne. Mais qui va produire une sorte de milieu, de position centrale, qui fait de l'institution le cœur, qui fait de l'entreprise, enfin voilà. L'entreprise comme institution. C'est-à-dire voilà. Une communauté autour d'un chef qui est le chef d'entreprise. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est une position centrale. L'autre position étant une logique marxiste, portée par. Qui n'est pas majoritaire, bien entendu, mais qui est forte, puisqu'elle est portée par Gérard Lyon-Caen, qui est donc le grand ordonnateur du droit du travail des années 60 à 80, hein, et qui va. Donc c'est Gérard, hein, cette fois-ci. C'est le père de l'autre, et qui va structurer très largement le monde du droit social. C'est un grand. Alors, on pourra en reparler plus tard, hein, mais. Ancien militant communiste jusqu'en 1956, compagnon de route de la CGT, mandarin à l'université, hein, il le dit, il le revendique lui-même dans cette posture extraordinaire d'être à la fois mandarin à la CGT, pardon, justement, mandarin à l'université et expert de la CGT. Et de la CES aussi. Et voilà. Et finalement, des universitaires libéraux étant très peu représentés. Et dernièrement, pour finir là-dessus, la légitimité, le troisième élément qui est le droit du travail de cette époque-là, on pourrait dire, c'est la légitimité du mouvement syndical comme espace de représentation des travailleurs et des salariés. Donc, ça, c'est c'est ce que je voulais commencer par dire, ce que j'appelle révolution ou contre-révolution symbolique et par rapport à l'État, par rapport auquel a lieu cette révolution. Donc ce moment des années 1980-90 dans le droit du travail. Le contexte, il est très connu, il a été un peu dit, je n'y reviens pas. C'est le tournant de paradigme. Qui se donne à voir dans des rapports, dans des articles, avec une sorte de généalogie qu'on pourrait reconstituer, qui est assez facile à reconstituer en fait, qui a une date de départ, on pourrait dire, alors après on peut sans doute toujours trouver d'autres, qui est une note de la Fondation Saint-Simon, une note de François Ewald de la Fondation Saint-Simon en 1983. Alors bon, je vais très vite, mais François Ewald est l'ancien. Secrétaire de Michel Foucault et par ailleurs expert de la Fédération française des sociétés d'assurance donc et maoïste enfin avant donc il est passé Mao, au Rotary et ça c'est un vrai lui et il reproche au droit je le cite de s'enfler de se compliquer avec les normes qui prolifèrent et ce qui va se créer à cette époque-là ce qui est assez extraordinaire c'est qu'on a une sorte d'éléments là central de discours qui va ensuite être le même au final pendant les 30 années qui vont suivre. C'est très fascinant puisque ensuite il y a tout un ensemble de rapports. Alors il y a le rapport Boissonnat de 1995 et puis alors là dans les années 2000 à 2010 il y a une floraison. On dirait pas qu'il y a des métamorphoses. L'Institut de l'entreprise en 2004. Le rapport de Virville, je vais revenir très vite en 2004, et puis un petit peu plus tard, le rapport Barthélemy 7 de 2015 pour le think tank proche du Parti Socialiste, Terra Nova. Donc l'intérêt, j'ai utilisé ces rapports-là, mais il y en a plein d'autres, l'intérêt c'est de montrer qu'il s'agit de mouvements qui sont à la fois, on va dire, de droite et de centre-gauche, pour dire ça comme ça, autour d'une même logique, en fait, néolibérale. Le droit du travail est trop lourd, il n'est pas assez lisible, il n'est pas assez accessible. Et surtout, donc il y a plein de citations hein, que je vais vous passer, il met en danger les entreprises, car elles ne peuvent pas ainsi mieux entreprendre et faire des gains de compétitivité qui, par conséquent, auront des effets sur l'emploi. Ce discours-là, il est très banal, hein, mais il est vraiment totalement généralisé et c'est toujours le même. Ces rapports ont des acteurs, je vais vite, ont des acteurs qui sont rédigés par des acteurs qui sont très différents, des DRH, des professeurs de droit, des professionnels de la politique, des experts des relations sociales, etc. Plusieurs personnes sont très importantes, donc on aurait pu citer Jean-Denis Combrexelle, haut fonctionnaire, l'ancien patron de nos amis inspecteurs du travail. On aurait pu citer Raymond Soubi, haut fonctionnaire et chef d'entreprise. Je ne citerai qu'un seul qui est quand même particulièrement intéressant pour nous, qui s'appelle Michel de Virville. Donc Virville, pour vous dire très vite, parce que c'est important de revenir sur qui ils sont, né en 45, il est mathématicien, il est ingénieur de recherche au CNRS d'abord, n'oublions jamais. Et puis il est directeur adjoint du CEREC de 75 à 84. Et ensuite il rentre au cabinet de Fabius, qui est devenu Premier ministre, puis de Jean-Pierre Soisson, ministre du Travail. Il passe un peu à la Cour des comptes, rapidement. Puis il devient, en 1995, un cadre dirigeant de Renault. D'abord secrétaire général, puis DRH du groupe Renault. Et donc c'est à ce titre que François Fillon lui demande en 2004 un rapport sur, je cite, « la simplification du droit du travail ». Il devient ensuite président de la commission des relations du travail du MEDEF et à ce titre président de l'UNEDIC. Et pour finir cette belle carrière, enfin... je ne sais plus trop ce qu'il est depuis 2017, mais il est chargé par le gouvernement Valls en 2013 d'une mission interministérielle sur la mise en œuvre du compte personnel de pénibilité, qui sera la réforme sociale du quinquennat Hollande. Et l'aboutissement de cette logique, donc tout le monde, ils sont tous dans ce sens-là, hein, je vais revenir dans un instant, le rapport Badinter-Lyon-Caen, qui a mis le feu aux poudres dans le monde du droit académique, puisqu'il va très très loin dans la demande de simplification du droit du travail. Donc ça, c'est pour ce espèce de portrait général de l'époque, mais du côté politico-administratif. Mais le champ académique, et c'est là-dessus que je vais continuer et doucement terminer, est traversé par des transformations homologues, on va dire. En ce sens où il est marqué très largement et très globalement par un tournant entrepreneurial. Alors, quand je dis ça, évidemment, je parlerai un petit peu à la fin de ceux qui s'y opposent. Et puis, évidemment, je ne sais pas s'il y a des professeurs de droit ou des chercheurs en droit ici, c'est toujours un peu compliqué de parler de ça, puisque, évidemment, après, il va falloir donner des noms. Et puis que les positions elles bougent, voilà. Par rapport à mon livre, par exemple, j'ai reçu un mail très très très en colère de Antoine Jameau, qui était très vexé de ne pas être assez cité d'abord. C'est pas faux. Et puis qui par ailleurs évoquait le fait que lui-même, enfin, je l'avais mis dans la coalition avec l'Association française du droit du travail, dans la coalition, on va dire, plutôt de gauche, de protecteur des salariés. Et visiblement, il y a ce qui m'a beaucoup surpris, il était très en désaccord avec ça. Donc voilà, bref, c'est compliqué. Donc ce tournant entrepreneurial, c'est pour ça que c'est toujours compliqué, en fait, de parler de ça. Alors, ce droit du travail à cette époque-là, c'est une discipline qui est dans une forme d'essor. Une forme de ce que j'ai appelé une normalisation disciplinaire. Le droit du travail devient un domaine du droit, dans les facs de droit assez classique. Plus d'enseignants, plus de thèses, plus de manuels. Hein, j'ai étudié les manuels de droit. Évidemment, tout ça renvoie à l'augmentation du nombre d'étudiants à l'université et dans les facs de droit. Très grand essor, évidemment, des bacs plus 5. D'abord des DEA et puis assez vite des DESS devenus, pour les plus jeunes d'entre nous, je l'indique, les masters. Et masters, évidemment, souvent à visée professionnelle. même si pour le fac de droit, le partage n'est pas si fort entre les masters recherche et les masters pro, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, ce faisant, ce droit du travail, qui était un droit du travail qui, dans les années 70, était très tourné vers la défense des salariés, vers le lien avec les organisations syndicales, perd de sa légitimité politique, enfin sa légitimité syndicale, en même temps que ces agents sont globalement de plus en plus intégrés dans le monde extra-académique, et en particulier, effectivement, tu l'as dit, dans des cabinets d'avocats, très nombreux, et donc souvent, le plus souvent, mais pas que, des cabinets d'avocats liés au monde de l'entreprise. Et donc ça nous renvoie un peu à ce que disait Bourdieu des disciplines juridiques, où, comme les disciplines médicales, il y avait une persistance forte d'une forme d'hétéronomie. Mais là, l'hétéronomie a changé de camp, on va dire, et elle est passée du côté de l'investissement entrepreneurial. Donc c'est on a aussi des masters qui sont de plus en plus liés aux enjeux de l'entreprise et qui, peu à peu, se transforment, pas tous, hein, mais beaucoup, en master de GRH. Hein, c'est passé d'un master de droit du travail à un master de gestion des ressources humaines. Donc, on pourrait donner des exemples de présentations sur Internet. J'en parlais un tout petit peu quand même. Et puis, alors je cite, « Ce master a pour finalité de former des professionnels dans le domaine du droit social, entendu au sens large, et de préparer au mieux les étudiants aux différents aspects de la fonction ressources humaines. Le master est né d'un constat, celui de la nécessité d'allier les compétences du juriste à celles du responsable des ressources humaines, c'est un deuxième, hein, pour apporter une réponse aux besoins des entreprises. Troisième, destiné à former des juristes d'entreprise en droit social, cette formation combine des enseignements théoriques ou pratiques et est complétée par un apprentissage en entreprise tout au long de l'année. » Donc voilà, on a cette idée que ces masters-là sont de plus en plus des masters d'entreprise, enfin de GRH, qui s'appelaient avant plutôt de droit social. Donc ça, c'est pour les formations. Du côté des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, puisqu'il y a quelques chercheurs CNRS, il y en a très très peu, on a une polarisation encore plus forte par rapport à ce que je disais tout à l'heure, entre un droit du travail, et c'est un peu ce que disait aussi Claude tout à l'heure, entre un droit du travail clairement et explicitement entrepreneurial, où là, on a un véritable engagement. Voilà. Par exemple, on retrouve la question de l'exigence de compétitivité qui pénètre dans la sphère. Et donc, par exemple, oui, j'ai oublié de citer, c'est évidemment Tessier, dont je ne me rappelle plus le nom, le prénom. Bernard Tessier, professeur à Assas, par ailleurs président de l'université d'Assas de longues années, et par ailleurs président du Conseil national du droit aussi de longues années. Et il dit, par exemple, dans la revue Droit social de 2004, il dit « L'exigence de compétitivité pénètre dans la sphère du droit du travail. Nul ne peut y demeurer indifférent, sauf à donner le sentiment de se désintéresser par-delà les mots du sort de l'entreprise et donc, en définitive, de l'emploi. » Et donc, on a... Alors voilà, par ailleurs, lui et ses proches, enfin, beaucoup de ses élèves, interviennent en tant qu'avocat associé ou, à défaut, en tant qu'expert dans les cabinets d'avocats. Et à l'inverse, il y a des professeurs associés qui viennent du monde de l'entreprise, des PAST, comme on dit, qui enseignent dans les universités. De l'autre côté, on a, alors c'est là où c'est plus compliqué, c'est pour ça que je suis plus hésitant, un droit du travail marqué par la gestion de l'héritage du Yonkan. Alors, la gestion de l'héritage du Yonkan est un héritage est difficile à gérer. D'abord, il a été géré par son fils, Antoine, à Nanterre, autour d'une conception qui se veut progressiste du droit du travail. Mais lui-même a donc effectivement beaucoup évolué, puisque, dit-il, en 2015, face à un droit du travail trop lourd, trop épais, trop compliqué, il faut en revenir au grand principe du droit du travail. C'est un rapport qui a été demandé par la ministre El Khomri et qui était censé inspirer la loi. Alors, ce type de droit du travail, en fait, va se rapprocher de ce fameux droit du travail central et centriste que j'ai essayé de montrer autour de la revue Droit social, qui est de plus en plus, en fait, qui est de moins en moins institutionnaliste, qui est de plus en plus tournée vers le droit entrepreneurial. On pourrait citer, je vous conseille d'aller voir la page LinkedIn, par exemple, de Christophe Radé, qui est le nouveau directeur de la revue Droit social, ou alors, encore plus beau, de Jean-Emmanuel Rey, qui est professeur ici même, je crois. En tout cas, il l'a été. Paris, hein, voilà. Ouais. Il a été très longtemps ici. Hein. Ouais, c'est ça. Master. Voilà. Où va se construire une position neutre, mais avec principalement des réformes de droit acquis, des professeurs de droit, pardon, acquis à la réforme en général, des avocats, des juristes d'entreprise, responsables RH, des DRH fortement associés, etc. Il faudrait, c'est ce que je suis en train de faire, dépouiller tous les colloques de droit social, peut-être pour voir les différentes populations, mais on verrait ça, je pense, assez clairement. Je termine juste, pour ne pas vous déprimer totalement, par l'idée que, par leur radicalité, les réformes El Khomri et Macron viennent en fait percuter, il me semble, ce cadre consensuel et nourrir de nouvelles oppositions. Et en particulier dans le monde du droit du travail. En rassemblant à nouveau des universitaires, des avocats, des syndicalistes, en particulier des proches des syndicalistes de la CGT, autour d'une nouvelle coalition pour essayer de construire de réfléchir à un autre droit du travail. Il faudrait en un instant revenir sur Emmanuel Dauquès, qui est donc professeur à Nanterre, mais en rupture de banc de l'équipe nanterrienne, qui se considère et qui dit qu'il est, lui, le vrai fils spirituel de Gérard Lyon-Caen, qui tente de réécrire, comme vous le savez sans doute, le Code du travail autour du groupe de recherche pour un autre Code du travail qui s'appelle le GR Pact, et qui réunit des profs de droit du travail, alors marqués dans la période précédente, Michel Bonnecher, Marianne Keller, qui était l'ancienne conjointe, enfin la dernière conjointe, on va dire, de Gérard Lyon-Caen, ou Vincent Bonin, mais aussi l'investissement de beaucoup de jeunes maîtres de conférences, dont beaucoup sont aussi ou maîtresses de conférences, dont beaucoup sont des étudiantes ou étudiants de Antoine Lyon-Caen, et qui sont passés dans cette logique-là. Et donc, ce que je veux juste finir là-dessus en disant qu'on a quand même le sentiment qu'il y a une sorte de nouvelle coalition qui est en train d'émerger. Et dont on ne voit pas, enfin, qu'on commence à saisir dans les facs de droit, mais qui, évidemment, ne sont pas du tout encore en mesure d'influer sur le cadre général qui existe. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent. J'ai compris d'avoir bien tenu le temps, et du coup, à moins que quelqu'un me dise qu'on est censé arriver à l'heure pile au restaurant, mais je ne pense pas, puisqu'on va déjeuner au restaurant universitaire de Paris 5 en face. On doit pouvoir se donner jusqu'à 13h environ pour discuter si ça vous dit autour de ce que Laurent nous a présenté. Oui, Antoine. Moi, j'avais une question qui porte sur le tournant au début des années 80, au milieu des années 80. Dans votre livre, vous opposez bien la période qui est avant, vous appelez, je crois, la période offensive du droit du travail à ce basculement. En fait, moi, je travaille un petit peu sur la question du marchandage dans les années 70. C'est une question qui revient en force à la fin des années 70 dans le débat des chercheurs en droit du travail, où en fait l'émergence de certaines formes de sous-traitance, des restructurations en général et la montée en puissance de l'intérim font qu'il y a un certain nombre qui appartiennent au pôle que vous décrivez autour de Lyon-Caen, qui disent que le droit du travail est en train en fait de s'éroder. Alors il y a plein de. Et c'est notamment dans le droit social, il y a une série d'articles sur une période très brève, 2-3 ans, qui s'intéressent vachement à ces questions-là. Et en 82, je crois, il y a un colloque qui s'intitule, ils annoncent la couleur, la fin du droit du travail ou la fin du code du travail avec point d'interrogation, où il conclut quand même que. Il conclut en fait sur cette question-là, mais plus généralement, parce qu'il parle aussi beaucoup des restructurations, il conclut un peu on a perdu. Et en fait, on demande si le basculement, il vient pas aussi d'abord du fait que le paradigme protecteur, etc., il est rentré en, il a été mis en crise par les politiques patronales des années 70, et qu'en fait, il naît d'abord d'une sorte de constat d'échec de son mec, qui croit toujours fermement à ce qu'il défend, mais il dit, c'est pas. Employé, mais on a perdu quoi. Et du coup, ma question c'était autour de ça. Comment s'articule en fait, vous avez beaucoup parlé de l'émergence d'un nouveau paradigme, mais à quel point elle est nourrie et elle est en fait un peu extérieure à la sphère juridique, c'est-à-dire que d'abord ils constatent que les pratiques patronales ont permis de contourner. J'ai pas grand-chose à dire. Merci beaucoup pour. pour ça, parce que c'est effectivement... Oui, c'est très juste. Hein, c'est toujours cette question de... Parce que c'est cette question de mettre des frontières, de couper l'histoire en tranches, comme je dis, et comme disait Jacques Le Goff, enfin, l'historien, qui... Parce que effectivement, c'est une... L'essor du néolibéralisme, on le voit, il date d'avant, il date du milieu des années 70, en fait, hein, et le gouvernement Barre, etc., c'est là, le vrai premier moment de cet essor-là, et tu as tout à fait raison, enfin, que la question des politiques patronales viennent... Donc moi, je suis complètement... Enfin, je trouve que c'est très intéressant, et tu as raison. Le propos en allant jusqu'à dire que c'est la nomination même de Jean Auroux qui traduit ce renoncement, parce que Jean Auroux, en fait, moi, j'en avais discuté avec lui, il m'a dit, moi j'étais nommé là par Mitterrand, parce que je ne connaissais rien au droit du travail, et il est chargé de mettre en œuvre, en fait, le programme de Mitterrand, avec l'engagement 60 sur le droit de veto au comité d'entreprise, et précisément pour ne pas le mettre en œuvre. Donc, il y a peut-être là une manière de détourner le droit du travail, au sens... non pas peut-être d'un paradigme protecteur, mais d'un paradigme conquérant en termes de pouvoir, hein, à travers une reconnaissance du pouvoir des salariés, et pour aller ensuite vers, vers une dimension peut-être plus assistentielle du citoyen d'entreprise. J'avais juste une chose à dire également, c'était... de rendre un hommage à un juriste qui a été important, un peu le symétrique de Bernard Tessier, qui est Jean-Maurice Verdier. Jean-Maurice Verdier. Hein, qui vient de décéder. Donc, la semaine dernière. Et qui a été... Qui a 90 ans, il avait. Voilà, l'alter ego d'Antoine Lyon-Camp à Nanterre. Donc c'est un des artisans de la réussite de Nanterre que tu montres dans ton ouvrage, qui maintenant est le pôle quand même en France du droit du travail, d'après ce qu'on comprend. Ça me permet de dire que Verdier était un catholique convaincu, catholique social, qui est décédé en allant à la messe dimanche dernier. Je le dis parce qu'effectivement, c'est en cela qu'il était aussi proche de la CFDT et qui faisait partie de ce pôle des catholiques sociaux. De gauche qui ont aussi contribué à produire le droit du travail dans les années 70. Et qui est le père de la section syndicale d'entreprise, après ce que tu dis. Oui. Et qui est le père d'un professeur, d'un chercheur au CNRS. Oui. On va revenir, je reviendrai sur. Oui, Vincent. Comment tu as pu saisir dans ces relations universitaires les liens avec la science économique, notamment le transfert des collaborations, le poids du champ du domaine économique, la façon dont des concepts de l'économie ont performé en fait la pratique juridique. Voilà comment finalement, alors ça va être l'économie, mais on peut poser la même question pour la gestion, c'est-à-dire aussi comment cette restructuration du paradigme chez les juristes a été appuyé par des emprunts disciplinaires venant justifier en fait ce changement. Alors ouais, c'est aussi une... Merci aussi pour cette super question. Alors, parce que j'y ai pas du tout pensé. Mais effectivement, ça saute. Enfin, c'est. C'est-à-dire que c'est vrai que, mais c'est un peu là, c'est pas une question pas très lointaine, c'est-à-dire que quand on pense, quand on est pris dans une espèce de réflexion sur un espace, un sous-espace, on ne pense pas aux influences des autres, enfin, on pense moins aux influences des autres espaces, quoi. Or, tu as tout à fait raison, c'est absolument central. Alors, l'économie, je ne sais pas, c'est possible, même si, à mon avis, elle est devenue tellement loin de... Enfin, je ne sais pas. Mais je pense que la gestion, par contre, ça paraît effectivement une espèce d'évidence. Hein, tu as tout à fait raison. Alors, tout en sachant que c'est compliqué, parce que, par exemple, dans mon université, les à Versailles-Saint-Quentin, les gestionnaires et les juristes ne sont pas dans la même fac. Et même, ils sont en concurrence autour d'un master de GRH, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un master de gestion des ressources humaines de la fac de droit et un master de gestion des ressources humaines de la part de la gestion. Mais alors, ça répond pas à la question sur en termes scientifiques, sur comment faire... Alors, je sais pas sur comment ça... Tu dis très bien comment les concepts ont infusé, tu dis performer, mais aussi ont infusé, les concepts gestionnaires ont pu concrètement... Je sais pas comment je pourrais faire pour essayer de saisir... Je sais pas comment tu penses qu'on pourrait faire pour essayer de saisir ça concrètement. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire en termes d'opérations de recherche, tu vois, pour voir comment les gestionnaires... C'est vrai que ça renvoie, il y a plein de travaux sur la performativité de la science économique, comment la science économique a vraiment structuré les politiques économiques, les dispositifs de marché, etc. Donc j'imagine, alors peut-être que ça a été fait par ces courants que je connais assez mal, sur le droit, mais est-ce qu'en termes de formation, est-ce que les juristes aujourd'hui ont des cours d'économie, des cours d'économie classique, est-ce qu'ils sont amenés à parler ensemble dans des séminaires? On a quand même beaucoup cette impression que le courant law and economics, alors peut-être moins en France de façon directe, mais je ne sais pas, dans ces lieux neutres justement, ou dans des lieux de... Dans la valorisation interdisciplinaire, Moi, je trouve que ça serait intéressant de regarder dans les listes des gens qui participent à tes colloques, en fait, s'il y en a et tout ça, parce que je me pose aussi la question, est-ce que ce qu'ils utilisent, c'est une vulgate économique transmise par les médias? Ou gestionnaire, plus encore. La compétitivité fait l'emploi et tout ça, enfin, il n'y a pas tellement d'économistes qui travaillent vraiment sur ça, en fait, à ma connaissance, ni même de gestionnaire. C'est plus un truc de sens commun, et donc je trouverais intéressant de voir la généalogie de ces notions, si elle renvoie des références universitaires en note en bas de page ou en présence de gens à des colloques ou si pas du tout. J'ai 4 personnes qui sont signalées, donc il y avait Claude en premier et après on va repartir de là et là. Vas-y, Claude. Non, je voulais revenir sur la simplification. Est-ce qu'il n'y a pas un consensus, disons, dans des juristes que tu étudies sur la simplification du droit qu'on retrouve chez Antoine de Lyon-Camp? Mon maître, que j'aime toujours en dépit de ses virevoltages, et on retrouverait chez Manuel Dokes également, qui avance dans son ouvrage Voyage en Isarchie, qu'il a réussi à simplifier le droit du travail en le rendant plus protecteur. Alors, je me disais, est-ce que ça ne renvoie pas aussi dans l'ouvrage d'Alain Supiot, critique du droit du travail, à la critique d'un alourdissement du droit du travail qui viendrait des mesures, on pourrait dire, technico-administrative de gestion du marché de l'emploi qui s'est développée depuis les années 70, qui donc se traduit par une inventivité en termes de contrats d'insertion, etc. Et donc là, ça introduirait peut-être une autre sphère juridique qui serait la sphère administrative et la sphère de gestionnaire de l'emploi. Est-ce que je suis en... Vas-y. En fait, les 3 personnes d'après. Super. J'ai un trou là. C'était quoi le début ? Non, le début, c'était simplification. Ah oui, voilà, ça y est. Excuse-moi. Simplification pour éradiquer le poids. Excuse-moi, j'ai eu une technico-administratif sur le droit du travail. Oui. Non. Sur cette question de simplification, oui, absolument. Alors, moi, j'ai interviewé Dokes, qui prétend très clairement. Alors, il faudrait voir. Quand on parle du lien entre sciences économiques et droit, il faut rappeler que Emmanuel Dokes a pour papa un grand économiste, qui est un historien de l'économie, et comme mère, une historienne du droit. C'est une parenthèse. Simplement, mais c'est aussi parce qu'il a tout ce capital-là qu'il est dans cette, aussi, moi je pense, dans cette possibilité aussi de faire sécession, hein, comme il le dit. Donc en tout cas, sans me faire son porte-parole, parce que je me suis aussi posé la question, l'idée est de simplifier le droit du travail pour le rendre lisible. Ce qui n'est pas la même manière que de le simplifier pour le rendre pour la sécurité juridique des entreprises. Ce n'est pas la même manière de considérer cette question de simplification. Et donc sans doute qu'il faudrait revenir sur ce que c'est que cette question de simplification. Et ce n'est pas non plus la même que celle de Supio. Enfin là, en l'occurrence, il est beaucoup plus proche sur celle-là, c'est-à-dire simplification par rapport à l'ampleur de ces... l'emploi, quoi. Voilà, en termes de politique de l'emploi. Ça, c'est très juste. Oui, non, j'avais juste une question que vous avez évoquée, l'entreprise comme institution, comme paradigme, comme modèle, etc. Vous avez très très peu développé sur ce que pourrait recouvrir sur le plan de l'évolution du droit du travail cette notion. Alors, ça, je ne suis pas très. Je vais mal vous répondre. Il y a des. J'ai vu il y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus son nom, une ingénieure de recherche, qui est la directrice adjointe de l'Institut du Travail de Lyon. L'Institut du Travail, c'est ces structures qui forment les organismes syndicales, qui a fait sa thèse là-dessus. J'ai vu un papier super intéressant, je n'avais pas vu ça, qui montrait comment précisément aujourd'hui l'entreprise était de moins en moins considérée aussi comme une institution. Et qu'il y avait une espèce d'éclatement aussi de la structure, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui devient l'entreprise. Elle le montre très très bien. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais c'était vraiment passionnant. Elle montrait très bien comment c'est. Ben, c'est dans la NRT, je pense. Je crois qu'elle a fait un article dans le numéro de la NRT sur droit et travail, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Où elle montre. Oui, je te dirai. Une référence intéressante. Et elle montre bien comment, voilà, comment le l'institution entreprise est en train d'exploser aussi dans ce cadre-là. C'est l'employeur, mais je vais revenir là-dessus. Enfin, je retrouverai. Il y avait la demoiselle. Dame. Vous vouliez. Non, c'est bon. Oui, il y a madame. Ouais. Non, il y a d'abord la en noir aussi. Ah, d'accord. Ah. Moi, Virginia. Demander sur les trajectoires sociales de ces personnes qui sont dans les chambres académiques, les grands professeurs, et la relation avec les chambres internationales. En fait, je pense que ça vient à complémenter la question sur la relation entre droit et économie, parce que c'est vrai que, par exemple, pour l'État de l'Amérique latine en général, la formation de ces avocats et de ces grands professeurs, des producteurs, des droits du travail, ils sont formés à l'extérieur, notamment à Chicago, et l'importance. Et ça permet de penser un peu la circulation de ce type de savoir managérial. Je me demande, pour le cas de la France, il y a des cas qui permettent d'expliquer ça Alors en France, en tout cas, là, c'est très très franco-français. Hein. Le droit du travail, et en fait, je pense quand même que les facs de droit sont très très. Centré, enfin, il n'y a pas beaucoup de circulation internationale. Hein, et j'ai très très peu, c'est une très bonne question, mais là en l'occurrence, contrairement à l'Amérique latine, on peut aussi penser au Chili avec Chicago Cowboys, etc. Enfin, tous les travaux de Dezallet et de Gaff. Là, en France, a priori, non, ils sont tous, c'est très très, les thèses sont très très franco-françaises. J'en ai trouvé un qui avait fait sa thèse sur aussi une comparaison avec l'Espagne. Il y a un peu de comparaison, mais il doit y avoir quelques voyages, enfin quelques thèses à Florence, à l'Institut universitaire européen. Mais là, c'est pareil, c'est des universitaires qui deviennent très, très, qui sont très exceptionnels. C'est-à-dire qu'ils font des carrières plutôt dans la recherche que... Parce que là, en fait... Peut-être aussi pour dire, par rapport à tout à l'heure, à ce que disait Vincent, On a quand même des universitaires qui sont très très marqués par l'hétéronomie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils font pas trop de séminaires, a priori, enfin peut-être qu'ils en font, mais ils font surtout des colloques où ils invitent aussi des gens extérieurs, ou enfin la science juridique, on va dire, du droit du travail, enfin, elle se trouve, mais il faudrait voir avec les références peut-être, ce serait une autre manière. Mais des références internationales, il y en a très très peu, hein. Ça c'est sûr. Et donc peut-être pour répondre aussi à Vincent, peut-être qu'une des choses à faire, ce serait de regarder les notes de bas de page. Alors après, les écrits de droit, c'est terrible, quoi, parce que c'est une espèce de logique, mais ça, tout le monde travaille. Enfin, c'est un des éléments difficiles quand on fait de la sociologie du droit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une forme de... Enfin, que c'est toujours les mêmes choses, quoi. C'est difficile de trouver des prises, quoi, sur ces écrits-là, hein, de trouver des manières de les saisir, de les étudier... Parce que c'est, enfin, je trouve qu'il y a une forme de science normale, en l'occurrence, qui est très, très, très... Mais voilà, c'est pour répondre. Il y avait Jérôme ? Non, c'était sur le lien aussi avec les économistes. Pour, c'est pas vas-y, possible. Vas-y, chef. Non, pour rappeler qu'en fait, en 2005, notamment, Antoine Moncamp, avec Joël Affichard, a été tout un truc financé par la DARES pour contrer, justement, la venue des économistes sur la question du contrat de travail unique... Cahuc, Cramart, etc. Enfin, il y avait eu un vrai programme de recherche sur la manière dont des juristes pouvaient se positionner et résister à une espèce d'impérialisme des économistes qui se mettaient à donner des conseils. Voilà, donc là, il y avait quand même des liens, mais plutôt pas pour le coup de performance ou d'influence, mais de résistance très forte. Et dans l'autre sens, je voudrais dire aussi que les économistes aussi, ou les sciences de gestion, notamment dans un projet autour des Bernardins depuis une dizaine d'années, en sont venus à faire des propositions juridiques pour définir cette fameuse notion d'entreprise que pointait Claude tout à l'heure, avec un prisme très juridique finalement. Christophe Radet d'ailleurs faisait partie du groupe. Antoine Moncamp, moi aussi. Alors, je ne sais pas si Antoine Moncamp il faisait partie aussi. Mais sinon, c'était des gestionnaires ou des économistes, Olivier Favreau ou Blanche Crestin. Et du coup, c'est intéressant de voir que les liens ne sont pas non plus que de l'impérialisme. Voilà. Et puis, ça va dans les deux sens. Et c'est intéressant aussi d'être au-dessus de ce groupe parce que justement, on pourrait presque le reprocher un prisme très juridique, finalement, dans la manière, dans ce à quoi ils ont abouti, pour réfléchir à la notion d'entreprise. Pas a priori d'un point de vue juridique, mais ce qu'on retient fortement de leur proposition, c'est une définition juridique de l'entreprise. En fait, et c'est ça sur lequel ils ont influé la loi Pacte, notamment. Ben oui, avec le rapport Nota Sénard qui reprenait un certain nombre de ces propositions très affaiblies, rapport qui lui-même a une influence relativement très très faible sur la loi Pacte, j'ai bien compris. Voilà. Alors. Juste, je sais pas une réponse parce que c'est très intéressant. Je pense que cette question des Bernardins, c'est pareil dans mes histoires de lieux neutres. Là, s'il y a un lieu à regarder, c'est effectivement ces sortes de conférences qui sont donc organisées, puisqu'il faut le savoir que les Bernardins, c'est donc l'épiscopat. Hein, donc, ils sont organisés sous l'égide des catholiques, de la hiérarchie catholique. Père Baudouin Roger. D'accord. Et donc là, je pense qu'il y aurait... Non, mais enfin, c'est une question... ce serait un beau mémoire de master à faire, ou un bel article à faire sur cette question des Bernardins, de la création de cet espace, etc. Aussi, hein. Voilà. Donc là, je pense que c'est un des... Le Gerville est lié au... Voilà. Alors, il y avait par ici... Non ? Ouais, voilà. Oui, juste pour répondre à monsieur sur sa question sur le fait que les sciences économiques pourraient être amenées à infuser chez les étudiants de droit et à consommer les étudiants en droit du travail. Enfin, moi, je suis en année de recherche et je travaille à Paris 1, donc dirigée par Grégoire Réseau, qui a été mentionné tout à l'heure par monsieur Cédric. Et je pense que c'est assez récent, mais il y a une émergence aussi des masters du droit de l'entreprise, qui en fait sont des masters hybrides qui combinent du droit des affaires, droit des sociétés et du droit du travail, droit de la protection sociale, et où je dirais qu'on n'y accuse pas les études de sciences économiques, et c'est limite même ça le problème, c'est que le mot d'ordre est plutôt d'inciter les étudiants à s'approprier, comme disait madame, une sorte de vulgate économique qui consisterait à dire qu'il faut prendre en compte la réalité, les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, il faut prendre en compte les nécessités de la réalité économique et qu'on ne peut plus faire du droit du travail sans penser au droit de l'entreprise. et qu'il faut désormais penser en termes d'intérêt commun d'entreprise et plus d'intérêt antagoniste entre les salariés et les employeurs. Et que même au sein des masters en droit social, c'est vraiment l'idée dominante que véhiculent nos professeurs. D'ailleurs, l'année dernière, j'étais en M1 de droit social à Paris 1, et Jean-Denis Combrexel est venu nous faire cours durant un mois. Merci pour votre témoignage. Ben c'est bien quand les témoignages vont dans le sens de ce qu'on a dit. Non, mais merci, c'est tout à fait intéressant. Moi, je me disais aussi que ça, c'est une des choses qu'il faudrait voir aussi dans la recherche. Enfin, si la recherche se continue, c'est d'aller voir vraiment ce qui se passe dans les masters autour des enseignants. Alors, c'est compliqué, mais hier, je suis allé, pour préparer ça aussi, un peu plus, je suis allé voir les fiches HCRES des masters, vous savez, c'est les évaluations. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans, mais peut-être que ça pourrait donner... Enfin, je ne sais pas, faudrait faire aussi une opération de recherche qui permet d'aller voir un peu très concrètement ce qui se joue dans ces masters-là, au-delà du titre et de la publicité, de la présentation sur l'Internet, les 3-4 lignes qui disent quelque chose, parce que... Là, je pense qu'on aurait des choses vraiment intéressantes. Et le fait qu'effectivement, Combrexel, par exemple, commence à faire des cours, des choses comme ça, enfin voilà, et où il le fait, à Paris 1, enfin là, ça commence à... Il y a des choses qui bougent et qu'on pourrait bien, bien percevoir, je pense. Merci, en tout cas. Peut-être une dernière intervention, si je n'ai oublié personne, oui. Simplement apporter un point de vue, peut-être un peu contrasté, parce que je suis militant syndicaliste, devenu chercheur et auteur. Pour répondre aux questions, je me posais comme militant, mais qui sont complémentaires aux tranches de droit que vous avez développées. J'essaye de faire bref pour aller très vite. Donc, si j'ai des expressions un peu emportées, vous ne m'en voudrez pas. Hein, je vais sans doute être financé par débat. Mais ça sera plus clair pour. Je dirais dans les 30 glorieuses, cette période qui va jusqu'aux années 70, on a eu de bons rapports de classe dans les entreprises. On avait un patronat assez correct. On rappelle, dans les prud'hommes, il n'y avait quasiment jamais de discussion pour appliquer des règles, des principes, etc. Pourquoi pas parler vraiment de justice de classe. Peu de judiciarisation, parce qu'il n'y a pas de chômage. Vous avez un problème avec l'employeur, vous retrouvez un boulot le lendemain. Je veux dire, on ne se posait pas des problèmes de la justice. Hein, on cherchait à gagner de l'argent, etc. Tout ça, les problèmes, ce qu'on pourrait appeler de judiciarisation, pour faire bref, sont dus que la crise économique dans les années 80, peut-être. Sauf que là, je pense qu'il s'est passé une chose. Tout d'abord, la juridicialisation, je pense que le patronat n'a jamais voulu. Quand on prend l'histoire du droit du travail, on avait à la Chambre sociale, donc qui est le tribunal régulateur des rapports professionnels en France, Chambre sociale de la Cour de cassation, depuis les années 30, une idéologie qui a duré jusqu'aux années 70, qui disait l'employeur est seul juge. Et dans tous les jugements, vous voyez ça dans les bulletins des arrêts de la Chambre civile, l'employeur est seul juge, la qualification, l'employeur est seul juge, le motif de licenciement, etc. C'était pas la peine d'aller devant les tribunaux. Je me rappelle qu'en 72 ou 13, quand la première réforme du licenciement est passée, Jean Larocque, il y en a un autre, Pierre, qui est vraiment quelqu'un d'autre membre considérable, qui est au Conseil d'État, Jean Larocque, un des boulonnats, patron de la Chambre sociale pendant 20 ans, disait « Moi, j'appliquerai jamais cette loi. En colonne, j'appliquerai jamais cette loi. Le licenciement, là, la cause réelle est sérieuse. » Carrément. Les choses ont évolué. Alors là, il y a eu une période, enfin, je serais peut-être plus progressiste que vous, je dirais de civilisation du droit du travail. On a eu à la Chambre sociale un magistrat qui n'est à la Chambre commerciale, Cochard, Maurice Cochard, qui est de ceux qui disaient que gêner les commerçants, c'est pas gêner le commerce. Si on veut bien jouer, il faut des règles du jeu strictes. Comme ça, on a une certaine sécurité dans ce qu'on fait, etc. On peut construire. Et je l'ai vu dans un colloque à l'école de la magistrature face aux gens du LMM, qui est bon, les juristes ultra-réactionnaires en droit du travail, etc., célébrer la République de 48, être commune de Paris, ce qui était assez exceptionnel. Il leur a dit hein, ce qu'ils pensaient d'eux. Et on a, enfin, je dis, on a eu recours, enfin, toute cette période, tout à fait prononcée aux techniques civilistes. Alors, Claude Didry a parlé, donc, l'article fondateur de Lyon-Caen dans les archives de philosophie du droit, là. Enfin, les années 60, je n'ai plus en mémoire, mais je vous rappelle bien cet article, hein, au niveau du contrat de travail, ça avait quand même ébranlé plein de gens. Enfin, pourquoi ce recours au droit civil, etc. Et il y a eu tout un engouement. Il y a eu Couturier, professeur de droit civil, qui a fait une série d'articles dans le droit social, etc., aussi qu'il avait développé l'intérêt des techniques civilistes en droit du travail. Et moi, je travaillais à l'époque avec des avocats à CGT, qui étaient aussi grands juristes, des gens qui font leur vie droit ouvrier. C'est pour ça que je serai un peu de recul par rapport à droit social. Il y a quand même des universitaires qui continuent. Droit ouvrier, c'est l'outil numéro un pour les syndicalistes, hein, avec des universitaires, des avocats, des militants, des grandes revues. Je parle de Paul Boissy ou Michel Henry, qui étaient grands avocats, mais aussi grands juristes, on allait faire du pénal, il faut le mettre en taux, il y a une infraction, etc. Non, il faut les faire payer, ils ont des sous, etc. Alors, j'ai une hypothèse personnelle, parce que j'avais aussi les contacts avec la CFDT, c'est peut-être une tradition à la CGT, cette régénération de la société par le prolétariat, civiliser la société, bon, je ramènerai cette là aux techniques, c'est un raccourci extrême, mais on pourrait justifier par plein de choses, hein, essayer de civiliser les rapports sociaux, pour ça, mettre en place le droit civil. Alors qu'à la CFDT, qui était dans la tradition chrétienne, on parlait de punir, de pénitence, de machin, etc. Il n'était pas du tout question de tout ça. Hein. Il y avait, si vous souhaitez toucher les rues d'époque comme action juridique, par exemple, on avait cette question de conflit des logiques. Vous avez dû voir ça, sans doute. Oh bah. Hein. Et ça a duré une vingtaine d'années. Donc effectivement, alors là, le patronat était tout furieux. Là, il y a vraiment un moment de juridicisation des rapports de travail. Ça, c'est clair. Les années 80, 90, ça durait, bon... Aujourd'hui, la question se pose plus tellement. Hein. On a eu pendant des années donc, le patronat qui a réclamé de la flexibilité, etc., qui s'est acharné par tous les côtés à grignoter le droit du travail par petits morceaux, etc., etc. Aujourd'hui, bon, il y a eu des gens plus intelligents, des types comme Excel, etc. J'ai dit, attendez, il y a mieux à faire. On a toujours un code de travail de 3000 pages, mais avec d'autres dispositions qui disent l'employeur est dispensé d'appliquer le code du travail, on n'a plus de soucis. Je schématise, mais c'est exactement ça qui se passe en ce moment. On ne sait plus ce que c'est. Aller enseigner le droit du travail, ça, c'est aujourd'hui, je voudrais bien savoir sur quel fondement solide on peut s'appuyer pour faire quelque chose, hein, de certain. Je vois des avocats qui me disent, je fais des dossiers, mais sur quoi on va s'appuyer. Ça, c'est aussi le mérite depuis chez le droit social, c'est que le désarroi total de ces gens-là, à quoi on se raccroche, sur quoi on peut s'appuyer, etc., plus personne n'y comprend plus rien. Alors, on a complètement desservelé le droit. Une information supplémentaire. Il y a eu des laboratoires de droit du travail importants dans ces années 80. C'était d'une part la FDT, Association française du travail, avec les gens de la CGT, mais aussi Jean-Marie Verdier, etc., et des gens tout à fait bien. Hein. Et puis le groupe de travail que Verdier faisait avec Jean-Daniel Reynaud, conflit et négociation, où on travaillait sur les relations professionnelles. J'ai participé pendant toute la durée, presque 20 ans. Chaque mois. Et là, c'était l'occasion de réunir des courants différents, etc. C'était extrêmement créatif. Voilà, je m'arrête. Bah merci pour toutes ces... pour tout ça. Parce qu'on voit vos paroles. Alors, comme vous étiez loin de l'enregistreur, j'ai essayé de prendre des notes pour qu'on ne perde pas tout. Je pense qu'il y a des sociologues là, qui notaient aussi pour s'en servir. Tu voulais répondre à quelque chose? Non, je vous remercie beaucoup. Enfin, je pense qu'effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. C'est là-dessus que j'ai commencé, en fait, sur les rapports des organisations syndicales au droit du travail, en fait, hein, et à la question des droits. Et donc, effectivement, j'ai épluché, comme vous dites, la revue Action juridique CFDT, mais ben, toutes, quoi. Et donc je suis complètement d'accord avec ça. Je connaissais pas du tout ce groupe conflit et négociation, donc je vais aller voir ça, parce qu'effectivement, cette question du rapport entre droit et sociologie est aussi une autre question qui est tout à fait intéressante en l'occurrence. Merci.